mama hama don mama tongo bisu watange se crida mon sui du chanton sous la pluie ma hunga ndaganda change une tasse mani ma mon sac à dos lourd à sangler je sois des Seychelles je t'appelle du Kamchatka. Quand il m'envoie une belle des zombies si foncé halluciné chaque pari d'Abu Dhabi moi ça c'est ma Salem mon kawa crème du Razipé j'te fax et cliché d'Halifax j'te telex de Tampa Bay. Mon visa, visa, visé. À minuit, des yeux bayous. Quand il m'envoie you, les rebelles des zombies. Si foncé, halluciné. C'est un bantou d'Addis Abeba qui me l'a dit tout bas. À minuit, les yeux bayous, les yeux fous, trois mesures millénaires qui partent d'au-delà, les rances des souvenirs. À rêver les doulikens de ta muraille de Chine.